Dossier 2, cahier, page 14. Bonjour, je m'appelle Nadia et je vous présente ma famille. Ma grand-mère s'appelle Mouna. Mon grand-père s'appelle Shadi. Ma mère s'appelle Louise et mon père s'appelle Anis. J'ai une sœur et un frère. Ma sœur s'appelle Leila et mon frère s'appelle Rachid.